الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فموضوع هذه الليلة إن شاء الله سيكون حول الصبر وكل ما يتعلق به Le sujet de ce soir sera inshallah sur la patience. Nous allons d'abord voir la définition linguistique et conventionnelle du mot sabr, puis les différentes catégories de sabr. Puis différentes catégories de sabr. Ensuite, on verra l'importance du sabr et l'endurance dans l'épreuve, et enfin les bienfaits de l'endurance. Premièrement, le sens du mot sabr dans son sens linguistique. C'est le fait de retenir, d'enfermer quelqu'un ou quelque chose. En arabe, on dit sabartu nafsi ala dhalika al-amr. J'ai patienté sur cette affaire, c'est-à-dire je me suis retenu. Le mot sabr veut dire aussi constance, endurance, résistance et patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat al-Kahf, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أي احْبِسْ نَفْسَكَ مَعَهُمْ. La traduction rapprochée de ce verset de surat al-Kahf fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désireux sa face, c'est-à-dire efforce-toi à rester avec eux. Waqila aslul kalimati min ash-shiddati wal quwwa wa minhu sabr lid-dawa'il ma'ruf bi shiddati mararatihi wa karahatihi. On dit également que la racine du mot sabr vient de la puissance et de la robustesse. Quand on dit robustesse ici, c'est comme le café là qu'on boit, on l'appelle robusta pour le café corsé, pur arabica robusta, ainsi de suite. Donc le mot sabr, on le dit également, pour ça provient du mot de ce médicament qui est l'aloe vera. On l'appelle sabr aussi en arabe, à cause de sa très forte amertume et l'aversion qu'on éprouve à le prendre. Il y a des frères ici à Damas qui ont déjà testé ce médicament, l'aloe vera, qui est un suc extrait de cette plante. L'aloe vera est la meilleure qualité de ce sabr est celui qui vient de l'île de Socotra, à Yémenia. Donc les frères qui ont testé ce sabr, ils ont senti cette amertume dans leur bouche et ils ont ce dégoût. Ils n'arrivent pas à l'avaler. Donc c'est cette kouwa dont ils parlent ici. Shidda wal kouwa et cette amertume qu'ils ont. De ce mot sabr. Khalil al-Fayrouzabadi, وَرُبَّمَا خُولِفَ بَيْنَ أَسْمَائِهِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ مَوَاقِعِهِ. Le linguiste al-Fayrouzabadi dit, le mot sabr peut avoir différents sens selon les phrases dans lesquelles il est employé. Il donne des exemples ici. Et il dit, فَإِنْ كَانَ حَبْسُ النَّفْسِ لِمُصِيبَةٍ سُمِّيَ صَبْرًا. Si par exemple se retient lors d'un malheur ou d'une épreuve, le mot sabr prendra le sens de patience et endurance. وَإِنْ كَانَ حَبْسُ النَّفْسِ فِي مُحَارَبَةٍ سُمِّيَ شَجَاعَةً. Si on retient sa peur dans une bataille, il prendra dans ce cas-là le sens de courage et de bravoure. وَإِنْ كَانَ حَبْسُ النَّفْسِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلَامِ سُمِّيَ كِتْمَانًا. Si on se retient de parler il prendra le sens de secret, silence. وإن كان حبس النفس عن حضور العيش سمي زهدا. Et si on se retient sur les besoins de cette vie qui ne sont pas primordiaux, la luxure et tout ça, le mot sabr prendra le sens d'abstinence et de renoncement. وإن كان حبس النفس عن شهوة الفرج سمي عفتان. سمي عفة. Si on se retient d'avoir des plaisirs charnels, ici c'est وإن كان حبس النفس عن فضول العيش سمي زهدا. Si on se retient sur les besoins de cette vie-là qui ne sont pas primordiaux, le mot sabr prendra le sens d'abstinence et de renoncement. وإن كان حبس النفس عن شهوة الفرج سمي عفة. Et si on se retient d'avoir des plaisirs charnels, ici c'est ce qui est interdit, le mot sabr prendra alors le sens de chasteté et de vertu. وإن كان حبس النفس عن إجابة داعي الغضب سمي حلما. Si on ne répond pas à la pulsion de la colère, les moments de la colère, de quand quelqu'un nous parle en mal et tout ça, on a cette pulsion de colère et on se retient, le mot sabr ici prendra le sens d'indulgence. Maintenant on va voir le sens istilahi du mot sabr, le sens conventionnel. قال الراغب هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. الراغب a dit الصبر, l'endurance, c'est s'empêcher de faire ce que la raison et la législation interdisent. وقال الجاحد الصبر عن الشدائد خلق مركب من الوقار والشجاعة. الجاحد a dit l'endurance lors des épreuves difficiles est un comportement qui se compose de bravoure et de respectabilité. قال المناوي الصبر قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية. المناوي a dit que le sabr, c'est la force de résistance lors des angoisses et des douleurs, qu'elles soient corporelles ou mentales. وقيل هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش. On dit aussi que c'est s'empêcher de s'affliger et de se révolter, de s'empêcher de se plaindre ou de faire des gestes malencontreux. وقيل هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والسعة. Il est dit également que parmi les explications du mot sabr, c'est de rester ferme sur la voie d'Allah et d'accepter ses épreuves avec sérénité. وقيل هو ثبات القلب عند موارد الاضطراب. On a dit aussi c'est quand le cœur reste ferme lors des moments de trouble. Maintenant, on va voir les anwa' sabr. Anwa' sabr, les types de sabr ou les différentes catégories de sabr, d'endurance. Ibn Qayyim Jawziya dit dans son livre Iddatu Sabirin الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام. L'endurance dans son ensemble se divise en trois catégories. La première, c'est صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. C'est le fait de patienter dans l'accomplissement des commandements et les adorations prescrites par Allah. ثانيا, صبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. La maîtrise de soi pour ne pas tomber dans les interdictions et les choses blâmables. وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. Le fait de patienter sans se rebeller sur le destin et la fatalité. وقال الفيروز أبادي الصبر على ثلاثة أنواع. الفيروز أبادي a dit la patience est de trois sortes. صبر بالله, صبر مع الله, وصبر لله. صبر بالله, c'est la patience en Allah, c'est-à-dire dans l'accomplissement de ses commandements. Les savants appellent ce nom min al-sabr, sabr billah, yusammuna fi'l al-ma'mur. Sabr ma Allah, c'est la patience avec Allah, c'est-à-dire s'éloigner de ce qui nous a interdit. Les savants appellent ce genre de sabr tarkul mahdour. Et la troisième partie de ce sabr, c'est sabr lillah, et la patience qui veut dire la patience pour Allah, c'est-à-dire dans les épreuves de ce qui nous est destiné, et ce dont les ulama appellent al-sabr al-maqdour. Maintenant, on va voir Ahmiyat sabr. C'est l'importance du sabr. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا وقرنه بالصلاة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Donc Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh a cité qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a cité ce mot là sabr dans plus de 90 endroits dans le Coran. وقرنه بالصلاة في قوله تعالى et Allah subhanahu wa ta'ala a comparé la l'endurance ou la patience dans le Coran, il l'a comparé à la salat quand il a dit واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Et Allah a fait que la guidée dans la religion soit le résultat de l'endurance et de la certitude. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين. Et ceci est dans la sourate As-Sajda. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَعَلْنَا مِنْهُمَ أَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils ont duré et croyaient fermement en nos versets. فَإِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ عِلْمٌ بِالْحَقِّ وَعَمَلٌ بِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الصَّبْرِ بَلْ وَطَلَبُ عِلْمِهِ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ. Toute la religion est liée à l'apprentissage de la vérité et à son accomplissement. Et il ne peut y avoir d'application qu'avec la patience. Et même dans la quête de la science, on a besoin de patience. Comme a dit Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, « Alaykum bil'ilm, fa inna talabahu lillahi ibadah, wa ma'rifatuhu khashyah, wal bahthu anhu jihad, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, wa mudhakaratuhu tasbih. » به يعرف الله ويعبد وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتمون إلى رأيهم. Donc Mu'ad ibn Jabal رحمه الله avait dit عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة. Il a dit cherchez la science car sa recherche pour Allah est une adoration. ومعرفته خشية, sa connaissance est une crainte. والبحث عنه جهاد, sa recherche est un jihad. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة, l'enseigner à celui qui l'ignore est une aumône. ومذاكرته تسبيح, on parlait une glorification. به يعرف الله ويعبد, c'est avec la science qu'on connaît Allah et qu'on l'adore. وبه يمجد الله ويوحد, c'est avec la science qu'on l'exalte et qu'on l'unifie. يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يَهْتَدُونَ بِهِمْ وَيَنْتَمُونَ إِلَىٰ رَأِيهِمْ. Et par la science, Allah élève certaines personnes en en faisant des dirigeants et des imams que les gens prennent comme guides et dont les avis juridiques sont suivis. قال ابن تيمية رحمه الله فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ibn Taymiyyah avait dit, Mu'ad ibn Jabal considère que la quête de la science comme étant un jihad. وَلَا بُدَّ فِي الْجِهَادِ مِنَ الصَّبْرِ. Et la patience est impérative dans le jihad. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Asr, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'en joignent mutuellement la vérité et s'en joignent mutuellement l'endurance. فالعلم النافع هو أصل الهدى. Donc la science bénéfique est la base de la guidée. والعمل بالحق هو الرشاد. Et œuvrer en toute vérité, c'est le sentier de la droiture. وضد الأول الضلال. Le contraire de la guidée, c'est l'égarement. وضد الثاني الغي. Et le contraire de la droiture, c'est la perdition. فالضلال العمل بغير علم. Donc l'égarement, c'est œuvrer sans science. والغي اتباع الهوى. Et la perdition, c'est le suivi des passions. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Allah a dit dans surat Najm, par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré ni n'a été induit en erreur. فلا ينال الهدى إلا بالعلم. On ne peut atteindre la guidée que par la science. ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. Et la droiture ne peut être acquise qu'avec la patience. l'endurance dans l'épreuve. الصبر على الابتلاء. الابتلاء في اللغة مصدر قولهم ابتلى الله العبد ابتلاء إذا اختبره في صبره وشكره. Le sens dans la langue arabe du mot ibtila, l'épreuve, dont la base est ibtalallahu al-abd ibtila'an, Allah éprouve son serviteur, idakhtabarahu fi sabrihi wa shukrihi, lorsqu'il le teste dans sa patience et sa gratitude envers lui. Wa qala al-manawi, al-bala'u kalbi'iyyati, ma'naha l'imtihan. Al-manawi a dit, al-bala', l'épreuve, comme le malheur, signifie examen. وسمي الغم بلاء لأنه يبلي الجسم. Le chagrin issu des malheurs est appelé épreuve car il éprouve le corps, c'est-à-dire qu'il l'use. Et on voit ça, on a beaucoup d'exemples vivants de cela. Quand quelqu'un il a un chagrin, quand il a perdu quelqu'un, il a beaucoup de problèmes, on voit ça sur son visage. Et il est usé, on dit qu'il est usé par le malheur. وينقسم الابتلاء إلى قسمين. الأول الابتلاء بالشر وهو مناعة الصبر. Donc l'épreuve se divise en deux parties. La première, on dit l'épreuve par le mal, et c'est ce qui a rapport à l'endurance. الثاني الابتلاء بالخير وهو مناعة الشكر. Le deuxième, c'est l'épreuve par le bien, et c'est ce qui a rapport à la gratitude, au remerciement. وفيما يتعلق بالنوع الأول فإنه يشمل الابتلاء بالمحن والكوارث ونقص الأموال والأنفس والثمرات مصداقا لقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Quant à l'épreuve par le mal, il inclut les rudes épreuves et les catastrophes, la diminution de biens, de personnes et de fruits, comme l'a dit Subhanahu wa Ta'ala dans Sourate al-Baqarah. Et certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens et de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. قال ابن القيم رحمه الله سأل رجل الشافعي رحمه الله فقال يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل أن يمكن فيشكر الله عز وجل أو يبتلى بالشر فيصبر. ابن القيم a dit, on demande à الشافعي رحمه الله يا أبا عبد الله, qu'est-ce qui est meilleur pour une personne, qu'il ait le pouvoir sur terre et remercier Allah, ou il subit une épreuve par le mal et il patience. فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. الشافعي répondit, il ne peut arriver à ce pouvoir qu'après avoir été éprouvé, parce qu'Allah n'a donné à Nuh et à Ibrahim et Muhammad عليهم السلام le pouvoir sur cette terre qu'après avoir enduré les épreuves qu'il leur a données. Donc personne ne s'imagine qu'il peut être épargné de la douleur des épreuves. وفي رواية عن الترمذي قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Tirmizi rapporte dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sache que la victoire ne vient qu'après l'endurance, que le soulagement ne vient qu'après une affliction, et qu'après la difficulté vient la facilité. Alors, Tréhaut dit dans son noble livre, قال الله عز وجل في كتاب الكريم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. الله سبحانه وتعالى دي certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs et endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vienne. Ar-Rusul salawatullahi wa salamuhu alayhim oudhu bil qawli wa oudhu bil fi'l iqra' qawla Allahi azza wa jal كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Les messagers عليهم السلام ont subi du tort par la parole et l'acte. Regarde la parole d'Allah. Ainsi aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un sorcier ou un possédé. لقد أبان الله لنبيه أن الرسل جميعا قبله كذبوا وأن الرسل جميعا قبله أوذوا وأن بعد هذا الأذى والصبر نصرهم الله فالصبر باب النصر دائما الصبر على الهدى هذا هو باب النصر. Allah a donc démontré à son prophète que tous les prophètes avant lui ont été traités de menteurs et qu'ils ont tous subi des torts et qu'après avoir enduré Allah leur a donné la victoire. L'endurance a donc toujours une issue victorieuse, et la patience sur la vérité a une issue victorieuse. Qala ta'ala, fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul. Donc, endure, toi, Muhammad, comment endure les messagers doués de fermeté. Wa ulul azmi hum Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Les messagers doués de fermeté sont ici Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa. هؤلاء أمر الله عز وجل أن يصبرك صبرهم لأنهم أشد الأنبياء صبرا وابتلاء. Allah a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam d'endurer comme ils l'ont fait, car ces prophètes ont été les plus éprouvés et les plus endurants. فالدعوة إلى الله محفوفة بالمكاره. Donc appelez les gens dans la voie d'Allah et jonchez de désagréments. ما يمكن أن يرضى الناس كلهم عن أحد لا عن نبي مرسل ولا عن ملك مقرب. Il est impossible qu'une même personne soit agréée de tout le monde, que cette personne soit un prophète envoyé, un ange rapproché et encore moins des prêcheurs sur la voie d'Allah. قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ورقة بن نوفل a dit on a toujours pris un ennemi, ceux qui sont venus avec ce qui t'a été donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Furqan dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels. الرافضة واليهود طعنوا في جبريل عليه السلام. Les rawafid et les juifs ont calomnié Jibril عليه السلام. وَقَالَ الْيَهُودُ هَذَا عَدُوُّنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Les juifs ont dit, celui-ci est notre ennemi parmi les anges. Wa qala ar-rafida, khana al-amin, khana al-amin. Les rawafid ont dit, sur Jibril alayhi salam, le digne de confiance a trahi, le digne de confiance a trahi. Wa al-mushrikun ma radu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qalu sahirun wa qalu kahin. Les mushrikin n'ont pas été satisfaits du prophète alayhi salam et ont dit sur lui qu'il était un sorcier et un devin. Ils ont dit également sur ce que ramène le prophète alayhi salam que c'était des contes d'anciens qu'il a copiés. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى قد هوذي بك أكثر من هذا فصبر متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait dit qu'Allah fasse miséricorde à Moussa, il a été éprouvé plus que cela, et il a patienté. وَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْحِجَارَةِ تَبِعَهُ أَبُو جَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ هَذَا بْنُ أَخِي فَلَا تُصَدِّقُوهُ. On a jeté des pierres au prophète عليه السلام, et son oncle Abu Jahl le suivait en lui lançant des pierres. Lui aussi, il lui lançait des pierres, et il disait, c'est mon neveu, ne le croyez pas. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعُودَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. عبد الله بن مسعود قال الله لقيا دي je regardais le prophète عليه السلام qui nous raconte l'histoire d'un nabi parmi les prophètes dont le peuple l'avait frappé et qui essuyait le sang qui coulait sur son visage en disant « Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est donc une sunna qu'Allah. C'est donc une sunna d'Allah. Que ceux qui suivent les prophètes, alayhim salam, subissent également du tort pour cette da'wa. Et ceci en fonction de leur degré. Ceci est en fonction de leur degré de foi et de leurs actions pour propager et défendre ce ménage moubarak. Donc celui qui appelle à la science bénéfique doit absolument endurer ce qui lui arrive. قال الله تعالى في وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور Ô mon enfant, accomplis la salat, ordonne le bien et interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. وبعد الوصية بالحق لا بد من صبر على الحق. Après s'être enjoint mutuellement la vérité, il est impératif de patienter sur la vérité. قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Comme Allah a dit dans sourate al-Asr, ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. الصبر على إبلاغ الحق. Le fait de patienter également sur sa propagation. وَالدَّعْوَةُ إِلَى الْحَقِّ Et dans l'appel à celle-ci. وَعَلَى نَفْعِ الْمُسْلِمِينَ Et à être utile pour les musulmans. صَاحِبُهَا مُعَرَّضٌ لِلْأَذَى Donc celui qui fait tous ses actes est exposé à la méchanceté des gens. عَنْ مُصْعَبْ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يبتلى الرجل على حسب دينه الحديث. Il a été demandé au prophète عليه السلام quels sont les gens qui sont les plus éprouvés. Il a dit les prophètes, ensuite ceux qui leur ressemblent le plus, et l'homme est éprouvé en fonction de sa religion, le hadith. Vous connaissez les épreuves par lesquelles sont passés nos salafs, à l'image de l'imam Ahmed dans sa mihna de Khalq al-Qur'an, où il fut fouetté et emprisonné par les sultans de l'époque, ainsi que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et son épreuve avec les soufis, et ses multiples incarcérations, jusqu'à sa mort en prison, rahimahullah. D'où sa parole célèbre, lorsqu'il cita le verset, quand le gardien l'enferma dans sa cellule, il l'entendit dire, « فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment, l'enfer. Il a aussi dit « Ma yaf'alu a'da'i bi, ana jannati wa bustani fi sadri » Que peuvent faire mes ennemis de moi? Mon paradis et mon jardin sont dans mon cœur. « Aina ma ruhtu fa hiya ma'i, la tufariquni » Partout où je vais, ils sont avec moi. Ana asijni khulwa, mon emprisonnement est une retraite. Wa qatli shahada, et c'est mon tuyau, je deviens martyr. Wa ikhraji min baladi shahada. Wa ikhraji min baladi siyaha. Et l'expulsion de mon pays est pour moi un voyage touristique. Également, dans la patience des ulama, il y a Muhammad ibn Abd al-Wahhab, est-ce qu'il a enduré pour propager le tawhid? Et parmi les exemples des savants contemporains, Cheikh Al-Albani et Cheikh Muqbil rahimahullah, et ceux qu'ils ont enduré comme injustice de la part des fanatiques du Mazhab Hanbali en Arabie Saoudite, jusqu'à ce qu'ils soient injustement mis en prison et ensuite exilés. Et aujourd'hui, c'est à Cheikh Yahya d'endurer le mal des gens par son affermissement sur la vérité et sa propagation. Il a dit d'ailleurs, Hafizahullah, Ubtuliyitu biqawli al-haq, je suis éprouvé parce que je dis la vérité. Ces épreuves nous en témoignons aujourd'hui et nous les vivons avec le tort que nous cause le Hizb de l'Adani comme mensonge, intimidation et zizanie entre les gens et ceci pour notre défense de la vérité sur laquelle son Dammaj, son cher et ses étudiants. Nous appelons donc nos frères à la patience et à l'endurance dans la propagation de la vérité, et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas plus éprouvés que ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire. Lorsqu'il a dit en parlant des châtiments que faisaient subir les mouchriquins aux croyants, et ceci pour inciter les sahaba à l'endurance dans la vérité. Fil hadith, كان الرجل يحفر له حفرة في الأرض ويمشط ويشق بالمنشار أو يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. Les mouchriquins creusaient un trou et y mettaient le croyant, puis le lacéraient avec des peignes en fer jusqu'à séparer la chair des os, et ils les coupaient en deux à la scie, et ceci ne les éloignait pas pour autant de leur religion. Nous devons donc nous joindre à la patience, et le croyant doit savoir que ce qu'il supporte pour Allah comme tort, pour que la vérité se propage, on sera récompensé. Parmi les récompenses de cette endurance, c'est les bienfaits qu'on en tire parmi ceux-là. ضبط النفس عن السأم والملل لدى القيام بأعمال تتطلب الدأب والمثابرة خلال مدة مناسبة قد يراها المستعجل مدة طويلة. La maîtrise de soi face à la lassitude et la tristesse lorsqu'on entreprend un travail de longue haleine que la personne active, elle, trouve trop long. ثانيا ضبط النفس عن العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من المطالب المادية أو المعنوية. La maîtrise de soi face à la précipitation et l'irréfléchie dans la réalisation de buts matériels ou spirituels. ثالثاً ضبط النفس عن الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في النفس ومحرضات الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة فيه ولا اتزان في القول أو في العمل. La maîtrise de soi face à la colère et la folie et tout ce qui incite à cela, en agissant sans sagesse et sans être raisonnable dans la parole et dans l'acte. Rabi'an, dabtun nafsi anil khawfi, lada muthirati al khawfi fin nafs. La maîtrise de soi face à la peur et ce qui pousse à la peur. Khamisan, dabtun nafsi anil tama'i, lada muthirati al tama'i fiha. La maîtrise de soi face à l'avidité et ce qui y pousse. Sadisan, ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها. La maîtrise de soi face au suivisme des passions et des plaisirs. سابعا ضبط النفس لتحمل المتاعب والمشقات والآلام الجسدية والنفسية كلما كان في هذا التحمل خير عاجل أو آجل. La maîtrise de soi pour pouvoir supporter la fatigue, les difficultés, les douleurs corporelles et psychologiques. ثامنا دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. C'est la preuve d'une foi complète et d'un bon islam. تاسعا يورث هداية في القلب. Il transmet la guidée au cœur. Bien sûr, on parle de l'endurance et ce qu'elle donne comme thamara, comme bienfait. عاشرا يثمر محبة الله ومحبة الناس. Il produit l'amour d'Allah et celle des gens. 11 سبب للتمكين في الأرض. Il est un moyen d'avoir le pouvoir sur terre. 12 الفوز بالجنة والنجاة من النار. Il a comme récompense de rentrer au paradis et d'être préservé de l'enfer. النقطة 13 معية الله مع الصابرين. Allah est avec les passions. Allah est avec les passions. النقطة 14 الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. Allah te préserve de l'énorme terreur du jour du jugement. النقطة 15 مظهر من مظاهر الرجوة الحقة وعلامة على حسن الخاتمة. Elle donne une apparence réelle de virilité et les signes d'une bonne fin. النقطة 16 صلاة الله ورحمته وبركاته على الصابرين. Ceux qui patientent sont en sur la prière d'Allah, sa miséricorde et sa bénédiction. C'est la fin de cette kalima. Pour ceux qui veulent compléter ou revenir au fawaïd de cette kalima, les références sont Mawsu'at Nadat Na'im fi makarim akhlaq Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam, bab as-sabr al-musabara, khutbat jumu'ah bi'unwan min subul at-tamkin, as-sabr al-ada wa al-mu'adin وشرح أصول ثلاثة الشيخ يحيى بن علي الحجر حفظه الله، وكتاب للشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه اسمه زاد الداعية إلى الله. هذا وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.